Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus du mysticisme. Lorsque tu le connais, tu n'as peur de rien. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 7, 1 à 17. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 7, 1 à 17. Les gens de Kirja-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja-Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-les lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baal et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il appela du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel et les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Ekron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama où était sa maison et là il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis des OSB. Première vérité, la repentance est la clé de la délivrance divine. Je veux parler à quelqu'un. Ça fait longtemps que tu cherches la délivrance. Tu vas d'église en église. Tu es même parti dernièrement dans un camp biblique où tu as fait plus de 2 semaines. Mais il n'y a pas toujours de changement dans ta vie. Et puis, à un moment donné, tu es parti même consulter un marabout. Un chrétien ne peut pas aller chercher la délivrance chez les marabouts. Laisse-moi te dire, tous les problèmes que tu connais dans ta vie, tu vois que ça ne va pas. Des blocages sur le plan financier, des blocages de tout genre. La clé, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est le fait de revenir à Dieu. C'est le fait de revenir à Dieu de tout son cœur, de confesser ses péchés. Lorsque tu caches ce que tu as fait, tu sais que tu as fait le mysticisme. Tu sais, toi, jeune fille, quand tu étais jeune fille, tu as fait des avortements, mais tu n'as jamais confessé ça chez un pasteur, chez un homme de Dieu. Tu caches ces choses. Et tu sais pas qu'en cachant ces choses, cela bloque ta vie. Tu dois ouvrir ton cœur et dire exactement ce que tu as fait. Et tu dois poser des actes qui montrent que tu t'es repenti. Regardez ce qui se passe ici. Écoutez ce que dit Samuel aux enfants d'Israël pour avoir la délivrance. Verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. » Vous voyez, « Revenez de tout cœur », cela veut dire que tu es sincère, tu ne caches rien. Tu es une femme, tu as trompé ton mari. Et tu sais que c'est depuis que tu as trompé ton mari qu'il y a des maladies qui commencent à s'abattre sur toi, même sur les enfants. Et tu as caché cela. Si de tout ton cœur tu reviens à l'Éternel, il dit, si c'est tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez d'humilier de vous les dieux étrangers et les astartés. Tu ne peux pas être chrétien et tu as encore des amulettes. Tu as des gris-gris que tu portes sous la hanche. Tu ne peux pas être un homme de Dieu et tu portes des médailles bizarres, des chaînettes bizarres avec des croix bizarres, mon ami. Tu ne peux pas être prophète et tu t'en vas porter les bagues que tu as commandées ou sur deux, trois doigts, des bagues bizarres que les gens qui fréquentent les milieux magiques ont. Non. Lorsque tu te repens, tu te débarrasses de toutes ces choses. Si tu as fréquenté les milieux mystiques, tu prends tout ce que tu avais, les livres, les chaînettes, les bagues, tu les amènes, on les brûle. C'est ça la repentance. Si tu avais des statues, les choses que tu gardais, tu dois les amener pour les brûler. Tu ne peux pas les garder dans ta maison. Il dit, ôtez d'humilier-vous les dieux étrangers, les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Tu ne peux pas servir Dieu et en même temps tu as des pouvoirs de sirène des eaux. Non, Dieu veut qu'on le serve lui seul. Il ne faut pas faire le syncrétisme ou le mélange. Servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Vous voyez, il dit les choses qu'on doit faire. Lorsque vous faites ces choses-là, vous vous repentez sincèrement de tout votre cœur. Vous abandonnez vos mauvaises voies. Vous vous débarrassez des divinités, des pratiques bizarres. Dieu va vous délivrer des Philistins. La délivrance, ce n'est pas comme une baguette magique. Tu vas, tu cherches un pasteur, tu dis, il faut me donner un jeûne. On te donne un jeûne, mais si pendant ce jeûne-là, tu ne te repens pas, tu ne confesses pas tes péchés, tu n'avoues pas des choses que tu as fait en cachette, tu ne peux pas expérimenter la délivrance. Et la Bible nous dit au verset 4, « Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. » Voyez, c'est-à-dire, ils ont effectivement écouté ce message et ils ont pratiqué les actes de repentance. Deuxième vérité, nous avons besoin parfois de l'intercession des hommes de Dieu pour expérimenter la main de Dieu. Vous voyez, c'est vrai que Jésus est déjà mort sur la croix de Golgotha. Chacun de nous peut s'approcher aujourd'hui de Dieu pour prier. Chacun de nous a la liberté. Mais il y a des situations pour lesquelles, pour que tu vois la main de Dieu, tu as besoin que quelqu'un te soutienne en prière. Et particulièrement un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, ouais, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un comme Samuel, vous voyez. C'est ce que les enfants d'Israël ont compris. Ils se sont repentis, mais ils ont demandé à l'homme de Dieu, le juge, le prophète Samuel, d'intercéder pour eux. La Bible nous dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. C'est pourquoi il est important que chacun de nous, lorsque tu es par exemple un chrétien, tu dois avoir ton Samuel, quelqu'un qui te soutient en prière. Vous voyez? Et la Bible nous montre que Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Un homme de Dieu qui craint son nom, lorsqu'il élève sa voix pour prier, sa prière est efficace, sa prière touche le cœur de Dieu. Et Dieu a exaucé cette prière en faveur d'Israël. Troisième vérité, Dieu promet d'humilier nos ennemis et de nous restituer ce qu'ils nous ont pris. Quand le Seigneur commence à agir pour ta délivrance, la délivrance s'accompagne toujours des réparations, des restitutions. Je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu veut te délivrer. Longtemps tu es demeuré dans l'humiliation. Longtemps tu es demeuré dans l'esclavage. Dieu ne t'a pas destiné à être esclave, mon frère. On t'a mis comme esclave dans ta vie, dans ta famille. Et je déclare ce matin que les liens d'esclavage sont brisés dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois sortir de l'esclavage. Et quand tu sors de l'esclavage, le Seigneur va maintenant humilier tes ennemis. C'est toi qui étais humilié. Maintenant, l'humiliation va changer de camp et Dieu va te restituer tes salaires, ton salaire qu'on a bloqué pendant des années et des années. Je vais parler à une femme, ton terrain qui a été bloqué pendant des années et tu sauras que Dieu est un Dieu et je prophétise la restitution de ton terrain. Regardez ce qui se passe ici. La Bible nous dit ici, au verset 11, les hommes d'Israël sortis de Mitzpah poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés. Vous voyez, les ennemis d'Israël, après la prière de Samuel, ils furent humiliés. Et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Verset 14. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Tout ce que tes ennemis ont pris, ça va te retourner maintenant. Je vais dire à une femme, il y a une jeune dame qui a envoûté ton mari pour que ton mari quitte la maison. Prends un temps de prière de jeûne. Le temps est arrivé où le Seigneur va délivrer ton mari et elle va te restituer ton mari. Ton mari va revenir et vous reviendrez ensemble. Il faut avoir pitié de lui. Ne cesse pas d'intercéder. Tu verras la main de Dieu. Dieu va te restituer ton mari qui est parti. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce chant. Oh, alléluia. Béni soit l'Éternel des armées qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour nous délivrer. Oh oui, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui as dominé la mort, toi qui as dominé l'enfer pour nous racheter. Nous voudrons te chanter, Seigneur, mon Dieu tout puissant. Alléluia. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé. Oh, t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louerons, ô Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louerons, ô mon Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia! Il est digne de louange, notre Dieu. Il est merveilleux, le roi de gloire. Élevons nos voix et bénissons son nom. Amen. Notre moment de prière s'appelle OSB, Opération sous la brèche. Nous prions en nous inspirant des textes bibliques 1 Samuel 7, 1 à 17. Nous rappelons que cette émission est produite à partir d'Abidjan. C'est votre serviteur au microphone, le révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous encourageons tous ceux qui partagent cette émission par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse pour votre ministère. Et nous serions intéressés de recevoir des témoignages de tous ceux qui ont été fortifiés par l'émission OSB. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que la repentance est la clé de la délivrance. Chacun de nous va s'examiner. Si tu te rends compte que tu as des blocages, tu as des combats, tu as des situations qui demandent la délivrance, prie le Seigneur pour dire, Seigneur, montre-moi des choses dont je dois me repentir afin que tu puisses me délivrer. Demande-lui pardon. Si tu as des choses que tu dois amener, des choses que tu as cachées, des statues, des choses d'idolâtrie, tu dois les amener. Venez voir un serviteur de Dieu. Je demande à quelqu'un, tu peux venir me voir ici à la radio fréquente vie. Je vais prier pour toi. Ça fait longtemps que tu as gardé ce choix, tu veux te repentir. Le temps de ta délivrance est arrivé. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin des prières des hommes de Dieu pour voir la main de l'Éternel. Les enfants d'Israël sont partis voir Samuel. Que chacun de nous prie. Tu as peut-être une situation pour laquelle tu as besoin d'un soutien de la prière. Tu as besoin de soutien d'un frère, d'une sœur en Christ ou d'un homme de Dieu. Prie pour que Dieu lui-même te conduise pour dire, Seigneur, montre-moi avec quel homme de Dieu, quel servant de Dieu je peux partager ma situation pour me soutenir dans la prière. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force. Nous te remercions ce matin, notre Dieu, notre Père, parce que nous sommes en vie, nous avons la vigueur, nous avons la respiration. Et tu nous donnes cette force-là de venir dans ta présence pour la prière. Que la gloire te revienne, l'honneur, la puissance, l'élévation, la majesté. Merci parce que dans ta parole, tu nous dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, mon Père qui est dans les cieux va vous l'accorder. C'est sur la base de ce verset. Je voulais prier ce matin pour nos bien-aimés qui nous écoutent, qui ont des difficultés, qui ont des soucis, qui ont des peines, qui souffrent avec le péché. Ô Seigneur, qui cherchent un serviteur de Dieu, qui demande à Dieu de les orienter, que ton esprit les oriente, que ta messe les conduise. Notre Dieu, notre Père, pour chercher un serviteur vrai, Dieu Tout-Puissant, pour les conduire dans la prière, pour les soutenir dans la prière. Et nous voulons prier ce matin pour que cela vienne à la radio. Nous sommes des serviteurs que tu as mis à part. Nous sommes prêts à les accompagner. Nous sommes prêts à prier avec eux, à jeûner avec eux, à veiller avec eux, à lire la parole avec eux et surtout les accompagner. Merci Seigneur, parce que tu vas les conduire par ton esprit. Tu vas les diriger à trouver l'homme qu'il faut, le serviteur de Dieu qu'il faut, qui va prier avec eux, qui va se joindre à eux pour s'adresser à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu nous promet d'humilier nos ennemis et de nous restituer tout ce qu'ils nous ont pris. Tu vas revendiquer cette promesse. Tu dis, Seigneur, maintenant, je te demande d'humilier mes ennemis, comme tu as humilié les Philistins. Et je demande la restitution de tout ce que l'ennemi a pris. Tu vas restituer, que ce soit ta beauté, toi, jeune fille, tu as des choses, des boutons bizarres qui sont sortis. L'ennemi a volé ta beauté, il a volé ta chevelure, il a volé ton argent, il a volé ta nomination. Chacun va prier, il a volé tes finances. Tu vas prier maintenant au nom de Jésus. Sois béni ce matin, sois glorifié ce matin, magnifié ce matin. Merci Seigneur pour ce sujet de prière. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. C'est sur la base de cette parole. Nous voulons te demander ce matin, au nom de Jésus-Christ, d'humilier nos ennemis, de mettre la confusion, la défaite, la poussière, la clé des champs. Nous demandons au nom de Jésus aux anges, aux légions d'anges d'aller récupérer ce qu'ils nous ont pris, ce qu'ils nous ont volé au nom de Jésus et de le restituer maintenant. Nous le prenons maintenant. Nous faisons des incursions dans le camp de l'ennemi qui a volé notre beauté, notre travail, notre enfantement, notre mariage, notre promotion, toutes les bonnes choses qu'il nous a volées. Au nom de Jésus, nous récupérons maintenant, nous arrachons maintenant, nous prenons maintenant ce qui nous revient de droit au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que ta main se tend maintenant, elle se tend maintenant, elle se lève maintenant, elle se lève maintenant, elle se lève maintenant, et les anges sont en route pour nous ramener ce qu'ils nous ont volé. Merci Père, parce que ta parole va s'accomplir, ta parole va se réaliser, ta promesse va se réaliser et nous serons dans l'abondance, nous serons dans la joie, dans l'allégresse parce que tu nous as visités et tu nous as remis ce que l'ennemi nous a volé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter. adoration.